des jours avec et puis y'a des jours sans. Un jour avec serait peut-être un jour sans que coule le sang. Ou un jour où enfin aucun enfant ne meurt de famine. Mais au fond c'est toujours le même film, donc toujours la même fin. C'est inquiétant voire angoissant quand rien ne va, quoi que l'on fasse. Et que la poisse est croissante, grandissant en même temps que le temps passe. Quand tu tires à pile ou face, c'est que ton avenir est en jeu. Quoi de pire qu'être impuissant devant de si gros enjeux. Quand t'approches pas et qu'il te manque, dur de ne pas pleurer. Et l'effet n'est pas différent quand celle que tu aimes est partie. Et quand le père de tes gosses te frappe, difficile de se leurrer. S'il existe des hommes bons sur terre, ton mari n'en fait pas partie. Trop de larmes pourraient te noyer, donc je crois qu'il est temps de rire. Je n'ai pas d'argument si ce n'est dire qu'un jour nous allons tous mourir. Accomplis donc tes rêves au lieu de rêver de vivre. La race humaine est une erreur que très peu de personnes corrigent. Être méchant c'est pas bien je sais, mais ce monde nous y oblige. Et j'ai compris depuis longtemps que tout n'est pas noir ou blanc. Plutôt facile à constater tant constamment sous un ciel gris. Voir un acte brave de nos jours serait presque troublant. La science infuse est détenue par bien des hommes, si on en croit leurs belles paroles ou leurs bijoux en forme de main ou même de croix. En tant qu'incrédule inconditionnel, j'admets ce qu'il redoute. Ici personne n'a de réponse ni de solution, juste des doutes. S'il acceptait ou le comprenait, peut-être serait-il plus humble. Peut-être que nos vies compliquées enfin seraient un peu plus simples. Mais l'orgueil est maître de nos actes, ainsi l'égoïsme nous étouffe. Je n'ai pas l'étoffe d'un héros, mais celle d'un démon comme nous tous. Le ciel n'aide personne ici-bas, ni toi, ni ceux qui souffrent. Vos dieux peuvent vous dicter la voie au mieux. C'est tout ce qu'ils offrent. Le temps perdu en prière serait tellement plus utile. Et si tu le prenais pour aider ton prochain, tu sauverais plus d'une vie. Je pleure pour les guerriers libres, que ce monde mutile. L'extrémisme est la maladie des plus grands abrutis. Même si ta culture est vaste et ton savoir impressionnant, t'en sais autant sur la vie que le plus grand des ignorants. J'emmerde cette hiérarchie installée par l'humanité qui nous octroie le droit de mépriser ceux en bas de l'échelle. Je gère, toi t'exécutes, ta gueule et courbe les chines. Tu es pauvre et j'ai du blé. À ton avis, qui est le chef? Il y aura toujours un enfoiré ici-bas pour te sermonner. Tous logés à la même enseigne jusqu'à ce que se mêle la monnaie. Regarde ces politiciens qui prennent le pouvoir pour s'enrichir, puis t'ordonnent d'aller travailler jusqu'à ce que ton corps se déchire. Intolérable me diras-tu, mais certaines gens sont assez bêtes pour leur donner du crédit, voire leur accorder leur confiance. Et je pleure devant le peuple quand je constate son ignorance à croire qu'il nous dirige comme un troupeau de bêtes. Des problèmes, y'en a plein, mais y'en a tant qu'on rajoute. À chaque jour suffit sa peine, mais on ne met pas notre cœur à jour. Et on souffre du passé en ayant peur du futur, avançant droit dans le mur, se sentant déjà foutu. Si je te raconte tout ça, c'est pour te dire qu'au final, la vie a mille et une façons de te faire du mal. Affaibli moralement, on pleure même pour des choses banales. C'est pourquoi quand le malheur frappe, nos larmes sont fatales. Nos larmes sont fatales.